Voici votre butin régional. Au Centre culturel de Whedon, le 28 mars à 20h, Patricia Marclos présentera son spectacle de musique instrumentale québécoise. Souper Père Chaude, le 28 mars, au Centre municipal de Lingwick, organisé par les Amis de la culture. Information 819-877-3883. Sortie à la cabane à sucre pour les membres de la relève du Haut-Saint-François le 28 mars, à l'érablière, les douceurs d'érable à Sawyerville. Information 819-416-1508 ou larelèvehsf@hotmail.ca. Brunch cabane à sucre et gala folklorique organisé par Loisirs Saint-Mathias le 29 mars au sous-sol de l'église de Saint-Mathias. Entrée, adulte 12$, enfant 5 à 12 ans 6$, gratuit pour les moins de 5 ans. Brunch cabane à sucre à partir de 10h, suivi d'un gala folklorique où différents artistes viendront, à l'aide de leurs voix et de leurs instruments de musique, agrémenter l'après-midi. Pour information, Jean-Guy Pérus, 819-889-1243. Cinquième et dernière clinique impôt, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, à East Angus, le 30 mars, de 13 à 16h et de 18h30 à 20h, à la Maison des jeunes Actimage, ancienne Légion canadienne, 268 Saint-Jean-Ouest.